Leonard Cohen, Lila Downs, Lisa Leblanc, Tanis Van Zandt, Neil Young, Folk d'Amérique. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive ses racines. Avec Gilles Chaumet. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballé sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. Ça va être une grande émission bien remplie, beaucoup de variétés, Barbe Rank au microphone. Je suis déjà avec Marie-Ève Sévigny qui va nous parler de deux romans, du québécois et du britannique. Et avec Sandra Lalancette, salut vous deux. Bonjour. Qui vient nous parler de la... Comment t'as appelé ça? La psychopop de l'espace. On devine qu'on va parler de Chris Hadfield, on passe pas à côté. Et dans la deuxième partie de l'émission, Daniel Grenier et Gilles Chaumel vont venir m'apprendre c'est quoi la littérature des Premières Nations. Moi, j'en ai lu pas beaucoup, fait que là, ils m'ont fait un beau petit survol de ce que c'est, qu'est-ce que c'est maintenant. Et moi, je dirais, on fait tout de suite une petite pause musicale et on revient avec du britannique. Je redis toujours en regardant le fleuve, un jour je partirai quand j'en aurai assez. Je partirai ailleurs n'importe où. Dans un big town ou dans un trou, un jour je partirai. Chacun ses raisons, je sais qu'on t'a quitté. Des amis qui font semblant de comprendre, y a des souvenirs qui étouffent ton rire. Et tu marches, marches, marches, seul. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord sur les ondes de CKRL. Salut Marie-Ève, c'est Mimi. Bonjour Marie-Ève. Bon, moi j'ai déjà commencé à mêler Yann McEwan avec Yann Fran... Non, avec qui je l'ai mélangé? Avec Jonathan Coe. Oui, mais c'est parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, si tu te souviens, on avait parlé de littérature britannique à travers le livre So British. Oui. Et je t'avoue que c'est ça. Cette lecture-là m'avait donné l'idée d'entreprendre un été britannique. Et Yann McEwan, il sortait en même temps un nouveau roman. Alors j'ai dit, on va faire d'une pierre deux coups. Moi, je tiens à dire que Jonathan Coe, c'est mon auteur préféré. Moi, j'avais ça fait que s'il y a de quoi lire, c'est toi qui le lis. Ben okay. Non, mais là, il y a de la pression là, si on s'est mélangé avec Jonathan Coe. Ah, c'est parce que c'est deux genres différents. Moi, j'avais lu de Jonathan Coe La pluie avant qu'elle ne tombe. J'avais adoré, mais semble-t-il que c'est l'alien de l'ensemble de son œuvre, parce que ce livre-là n'a pas rien à voir avec l'ensemble. C'est la maison de sommeil. Mais Ian McEwan, il n'est pas aussi humoristique. Il n'y a pas autant d'humour qu'habituellement dans ses romans. C'est souvent plus dramatique. Moi, j'avais été bouleversée par Le voleur d'enfants, qui est sorti quand même il y a pas mal, plusieurs années. Il y avait aussi son très beau Sur la plage de Chézil, qui représentait un couple au bord de la rupture et tout ça. D'habitude, c'est pas mal plus dramatique. Mais là, on dirait qu'il s'est fait plaisir. Il a décidé de s'amuser. Ça raconte l'histoire. En fait, on est en Grande-Bretagne dans les années 70. En pleine guerre froide. D'ailleurs, il y a toujours chez McEwan et chez Jonathan Coe un fond là, de contexte historique, le plaisir d'analyser la société britannique. J'aurais le goût de dire même, ils sont plusieurs Britanniques à s'adonner à ce type d'exercice-là, souvent avec humour. Et là, ben, on rencontre le personnage de Serena. Serena, bon, déjà, moi, je trouvais ça un peu presque satirique, le fait on se croirait dans un Daniel Steele, tu sais, Serena avec les... Bon. Et de fait, c'est l'histoire de Serena qui est une jeune fille belle, évidemment, elle dit, elle est la narratrice et elle dit qu'elle est belle, évidemment, justement. Elle dit ça là-même. Ouais, parce que en fait, c'est une vieille dame. Surtout. Non, c'est une vieille dame qui parle et qui dit, ben cette histoire me serait probablement pas arrivée si j'avais pas été belle. Pourquoi? Parce que elle est étudiante en mathématiques, parce que sa mère lui a dit, ben t'as bien beau dévorer des romans, c'est pas sérieux comme vie. Alors, je suis désolée, les filles ont fait une vie pas sérieuse. Et c'est ça, elle est bibliophage. Elle mange tous les romans qu'elle peut, mais indifféremment, c'est-à-dire qu'elle aime autant l'eau de rose que le Kierkegaard, tu sais, je veux dire, elle aime tout, là. Elle fait ses études en mathématiques, elle rencontre un homme beaucoup plus âgé qu'elle, alors elle a 18 ans, il est son amant, et finalement, à travers cette rencontre-là, elle va devenir agent du MI5. Le MI6, c'est James Bond, il travaille à l'étranger, mais MI5, c'est les espions, le ministère de l'Intérieur, et finalement, ben, elle commence sa carrière, une carrière absolument désopilante parce que elle est pas ben bonne. Et je veux dire, en plus, il y a de la ségrégation, c'est-à-dire dans son milieu, parce que les femmes ne pourront jamais arriver plus loin que le poste de secrétaire. Tu sais, okay. Alors, elle plafonne jusqu'à ce qu'un de ses collègues lui dise, écoute, on monte une opération Sweet Tooth. C'est d'ailleurs le titre du roman, ouais. Opération Sweet Tooth. Et cette opération-là vise en fait à contrôler un peu le discours social de nos médias en subventionnant à leur insu des écrivains, de jeunes écrivains en herbe. Eux, ils vont se penser que c'est le Conseil des arts qui les soutient ou une quelconque fondation. Et alors que c'est nous, les espions, qui allons subventionner leur œuvre et encourager des voix qui sont anticommunistes. Alors, pardon. Finalement, Serena se fait passer pour une représentante jeune et belle d'une fondation qui veut aider les écrivains. Et elle rencontre un écrivain en herbe qui a sur lequel on fonde beaucoup d'avenir. Il écrit de la nouvelle, mais un jour il fera quelque chose de sérieux. Il écrira un roman parce que la nouvelle, on le sait, c'est pas sérieux. Et finalement, les deux, Serena et David, s'appelle-t-il David? Non, Serena et Tom Haley, pardon, tombent désespérément amoureux. Alors là, c'est des scènes de baise sur le bord de la plage à Brighton. Si vous avez lu Jane Austen, bon, vous enlevez les scènes de baise, mais c'est quand même des soirées romantiques sur le sud de l'Angleterre. Alors là, c'est très amusant. Le ton de Ian McEwan est léger. Et là, vous imaginez bien que là, comme on dirait en bon anglais, don't fuck the payroll, mais mettons que c'est pas vraiment sa tasse de thé à Serena, et là, elle commence à avoir un problème avec ses employeurs. Alors, il va se passer toutes sortes de choses, et juste pour vous donner une idée du ton du roman, je vais vous lire l'ouverture. Je m'appelle Serena Fromm et il y a près de 40 ans, on m'a confié une mission pour les services secrets britanniques. Je n'en suis pas sortie indemne. 18 mois plus tard, j'étais congédiée après m'être déshonorée et avoir détruit mon amant, bien qu'il eût certainement contribué à sa propre perte. Ça, j'ai adoré ça. J'ai dit, parle-moi de ça, quelqu'un qui place les billes dès le début. Là, on va arrêter d'être ses nerfs. Là, à Star, l'histoire est racontée. Là, on peut prendre le plaisir. Mais je voulais te demander, est-ce que c'est un polar? Mais là, finalement, non. Ben, ça aurait pu. Écoute, il s'amuse à jouer avec les genres. OK? C'est-à-dire que à un moment donné, elle est sûre d'être espionnée et d'être suivie, qu'on a fouillé son appartement, et je t'avoue que ben dans sa petite chambre minable là, qu'elle était pas capable de payer avec son salaire de crève la faim même si elle est fonctionnaire, ben j'étais inquiète pour elle. De la même façon, à un moment donné, ben là, elle parle tellement de littérature, ben on est en train de pasticher un peu les romans érudit là, tu sais là. Et ah oui, puis il faut que je mentionne aussi quelque chose de qui est absolument jouissif dans ce roman là, c'est que là elle est une lectrice assidue et elle aime elle se met à lire les textes de son amant, lui dans la fougue de sa passion, ben lit ça ma sérénade. Alors finalement on se trouve Ian McEwan dans son talent de savoir raconter une histoire mêle des aspects des textes que le jeune Tom Haley a écrit ouais. Et il mêle ça, mais là elle lit ça et puis elle commence à dire oh, ben ça sera pas, c'est pas assez anticommuniste, comment, alors ça influence ce qu'elle lit et ce qu'on lit de textes, ça influence, elle essaie le cours de l'histoire, elle essaie de recoudre un peu le coussin dont la bourre sort de partout et puis finalement ben elle a bien de la misère et plus elle essaie de s'en mêler, la pauvre Serena, parce que elle a bien beau être intelligente et lectrice, elle n'a pas une once de jugement, cette pauvre fille. Fait que ça empire. Alors, je te dirais que c'est... Quel type de roman est-ce? Je le sais pas, mais c'est un maudit bon roman. Je n'ai qu'un bémol à amener, c'est que la fin se dégonfle un petit peu, mais entre-temps, on a eu un sacré bon plaisir de lecture. Bon 450 le roman pages, a 450 pages et finalement là, tu sais, ça se lit, c'est vrai. J'étais pas parlable tout le temps de ma lecture cette fin de semaine là. Alors franchement, alors Opération Sweet Tooth, Ian McEwan chez Gallimard. Merci Marie-Ève. On fait une petite pause musicale et on revient avec du québécois, Sylvie Nicolas. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, Barbe Rinco au microphone avec Marie-Ève toujours, qui a, tout comme Gilles Chomel et moi, lu les très belles variations Burroughs de Sylvie Nicolas. Moi, je m'étais entretenue avec elle au Salon du livre, mais là, toi, tu as vraiment fait une lecture de chronique. Oui. Oui, et puis je te dirais que c'était ma honte cachée de n'avoir jamais lu du Sylvie Nicolas, tu sais, s'il fallait faire la liste de tous les bon, j'ai honte aussi. Ben tu sais, en tout cas, moi j'en avais entendu parler depuis tellement longtemps de son œuvre romanesque, de ses romans jeunesse, en plus de son œuvre poésie, merci, qui était monumentale, mais j'en avais jamais lu et c'était pas faute d'avoir le goût, mais bon, j'avais pas pris le temps. Et je dirais que ce livre-là m'a procuré le bonheur, entre autres, d'avoir devant moi un été à pouvoir passer du temps avec Sylvie Nicolas, que ce soit en poésie ou en roman. Alors, les variations Burroughs, on mentionne que c'est un récit. Habituellement, un récit, c'est autobiographique. Moi, j'aurais le goût de vous dire qu'on devrait prendre ça un peu comme on prend ça en poésie. C'est-à-dire qu'en poésie, le je, on l'appelle non pas Sylvie Nicolas, on va l'appeler le poète. Ben, on va faire la même chose. En entrevue, elle a dit que c'est quand même bel et bien elle. Oui, bon. Alors, moi, dans ma lecture, ce qui m'a plu, en fait, c'est c'était l'idée d'être face à une femme qui était ça raconte l'histoire d'une femme qui finalement pose une espèce de regard un peu kaléidoscopique sur les types de pertes qu'elle a eues à court, à moyen et à long terme, et aussi qui questionne son besoin d'écriture, son désir d'écriture. Je vais vous lire un extrait, et c'est vraiment vous voyez vraiment le désir d'écriture comme une douleur, mais en même temps parfois une illumination. Un jour pas si lointain, Vous vous effondrez, désolé de ne pouvoir implorer Dieu pour le supplier d'assassiner en vous le désir d'écriture. Si la chirurgie avait été d'un quelconque recours, vous vous seriez précipité dans une clinique, auriez exigé qu'on vous ouvre le corps, la tête ou le cœur et qu'on l'extirpe sur le champ. Mais ce jour-là, un singulier cri d'oiseau, insistant, répété, auquel nul autre semblable ne répond, vous a suffisamment martelé l'esprit pour que vous sentiez l'urgence de l'identifier. Des heures plus tard, une amie confirme qu'il s'agit d'un oiseau égaré à des lieux de son territoire naturel. Vous restez à la fenêtre pour observer le mur de briques de la cour arrière, les courants du lierre qui sillonnent engourdis encore par la dormance de l'hiver. Vous vous questionnez sur le territoire, l'écriture, sur les égarés et sur ce qui relève de l'ordre naturel des choses. Un titre s'impose. Et un peu plus loin, en fait, elle va nous préciser le projet de cette écriture-là. Elle dit « J'achève de ce récit-là, les variations Burroughs », elle va dire « J'achève d'écrire ces pages qui tentent de retracer le trajet des sous-sols familiaux à aujourd'hui. Tu n'y trouveras pas de réponse, pas non plus de continuité, car je suis issue d'une suite de variations qui, comme les vagues des hautes mers gaspésiennes, s'entrechoquent et recrachent des fragments tapis dans leur profondeur. » Alors, le premier plaisir de ce roman-là, de ce récit-là, pardon, c'est un plaisir d'écriture. Mm-hmm. Moi, j'ai hâte de que l'été commence pour avoir le temps avec les vacances de reprendre l'écriture. Une écriture extrêmement travaillée et, tu sais... Et extrêmement habité. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de le lire, mais toujours avec l'idée d'être restée malgré tout à la surface de ce que j'aurais pu donner. C'est un livre exigeant qui, quand parfois on parle d'un auteur qui donne, c'est le cas de Sylvie Nicolas, qui nous a présenté dans ses variations différents tableaux, en fait. Alors, la narratrice s'adresse parfois à son frère avec qui elle a vécu une connivence particulièrement intense. Après ça, son amant, Charles, qui l'a quitté il y a quelque temps. Alors, mettons page 39 de mon cahier sans toi, etc. Alors, elle a un cahier de deuil sur son amour mort. Elle a aussi, justement, et cet amour qui avait voué une admiration pour William Burroughs. Et Burroughs, qui était tout un personnage, bon, il faisait partie de la génération des beatniks, et qui avait finalement assassiné sa femme par erreur, en fait, par le jeu stupide là, de « pose un verre sur ta tête et je vais viser puis le détruire », mais finalement, il a mal visé puis il a tué sa femme. C'est absolument hilarant, mais d'une stupidité déconcertante. Et en fait, finalement, ces variations-là, pourquoi Burroughs? Et finalement, elle questionne le personnage de l'absolu, du créateur, de l'excès. Elle questionne beaucoup, beaucoup de choses. Parallèlement à ça, on a certains fragments qui mentionnent des beaux souvenirs d'enfance, très touchants. Sur la relation à la grand-mère, au grand-père, cette mère étrange qui était une enfant adoptée, qui a l'air d'être compliquée à aimer, le recours aux livres comme une espèce d'instinct de survie, cette écriture-là qui est un salut, qui fait mal aussi. Alors, il s'agit pas nécessairement de chercher, comme c'est des variations, c'est comme un peu les variations de Bach, là, à un moment donné, les variations Goldberg, on cherche pas nécessairement le fil conducteur. On prend chaque texte pour ce que c'est, des petits instants de grâce ou des petits instants de douleur, à travers lesquels, finalement, le personnage principal, c'est l'écriture elle-même qui fait qui creuse son sillon chez cette femme-là. Et à un moment donné, on se demande même s'il n'y aura pas une suite à ce livre-là, parce que elle parle de sa mère, elle se demande si son écriture n'est pas en train de tuer sa mère, parce que sa mère est à l'hôpital à la fin de ce récit-là. Et elle dit, peut-être qu'il faudra déclencher un autre, ouvrir un autre cahier d'écriture. Alors, je dirais, c'est vraiment un très, très beau livre qui va vous habiter longtemps. Je disais tout à l'heure que c'est un livre exigeant dans le sens qu'on parle souvent des auteurs qui s'investissent dans leurs livres, mais en tant que lecteur, parfois, il faut placer le contrat de lecture. Moi, je parle toujours du des livres qui se lisent le matin, contrairement à ceux qui se lisent avant de s'endormir. C'est pas un livre au-dessus duquel on somnole. C'est plutôt le livre du second café dans le silence du matin. C'est un livre rempli de beauté, rempli de samedi dimanche quand on a la journée devant soi. Ah, c'est effectivement. Elle est sans concession, pour utiliser le cliché. Désolée, mais Sylvie Nicolas, ce qui fait mal, elle va ouvrir la blessure là très très fort. Mais ce qui est beau, là où est la beauté, elle s'y attarde, que ce soit dans l'hier, dans la rivière Matane qui se jette dans la mer, dans les souvenirs d'enfance, dans les appréhensions face à la vieillesse. Alors tout est là. Dans ses lectures. Dans ses lectures, oui, mais c'est vrai. Mmh. Elle parle beaucoup de lectures. Alors c'est d'une densité incroyable et un très, très beau cadeau qu'elle nous a fait. Franchement, là, un très beau livre, Les Variations Burroughs, Sylvie Nicolas, aux éditions Druide. Merci, Marie-Ève. Merci, Berbel. Let a song go out of my heart. It was the sweetest melody. I know I lost heaven 'cause you were the song. Since you and I have drifted apart, life doesn't mean nothing to me. Please come back, sweet music. I know I was wrong. Am I too late? Nous sommes de retour à l'émission. Les bouquins d'abord, ça danse ici sur la chaise. Et on arrive à la partie, c'est ça, on flotte dans l'espace. Sandra Lalancette, les guides d'un astronaute pour la vie sur Terre. De Chris Hadfield. Moi, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, c'est chouette. Mais moi, j'ai lu ce livre-là. Je dois dire que c'est pas parce que je suis une fan de Chris Hadfield. Je sais qu'il y a des gens qui ont capoté sur lui carrément en suivant son périple dans l'espace. Il est devenu une star, sur Twitter, les réseaux sociaux, avec ses clips sur YouTube. Moi, j'ai pas vraiment suivi ça. Ne suis pas vraiment une fan de la conquête spatiale, rien de là. C'est une amie qui l'avait lu, la version anglaise est sortie cet automne, la version française vient de paraître il y a quelques semaines. J'ai une amie qui l'avait lu en anglais et qui me cassait les oreilles carrément avec ce livre-là. À chaque matin, elle arrivait avec une nouvelle anecdote qu'elle avait lue dans le livre de Chris Hadfield. Donc, quand il est sorti en français, je me suis dit, je vais lui jeter un coup d'œil. C'est un livre qui rend énervant. Je la comprends maintenant. J'étais moi-même devenue totalement casse-pied. J'arrêtais plus de dire à mon chum, hey, puis là, je lui en lisais des bouts parce que on apprend plein d'affaires. OK. Parce que dans le fond, on sait rien sur, moi, en tout cas, je savais rien sur l'espace vu que j'ai jamais vraiment, je me suis jamais intéressée à ça. Et il raconte vraiment tous les détails, banals de comment on fait pour aller aux toilettes ou, quand on se brosse les dents, faut faire attention que la pâte à dents vole pas ou, tu sais, des détails comme ça, mais aussi comment on devient astronaute. Ouais. Parce que lui, Chris Hadfield, c'est un Canadien. Ouais. Quand il était petit, voit les premiers pas sur la Lune et se dit, je veux devenir astronaute. Mais comment on fait pour devenir astronaute? Études en sciences pures, j'imagine que ça peut aider. Mais il sait pas, il y a pas de modèle sur lequel se fier, il y a pas d'astronaute canadien, c'est des astronautes américains. Mm-hmm. Est-ce qu'un jour on enverra des Canadiens dans l'espace? Ouais. On le sait pas, mais je me prépare au cas où ça pourrait arriver. Donc, c'est vraiment tout ce processus-là. Et il y a une maxime, Chris Hadfield, qui dit en début de livre, dans la vie, lui, c'est toujours la même chose. Soyez prêts, travaillez fort, amusez-vous. Lui, il applique ça dans sa vie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un peu un livre, un psychopop de l'espace, parce qu'il nous explique comment il applique cette philosophie-là à sa vie et comment ça le sert pour devenir un astronaute, parce que ça s'appelle guide d'un astronaute pour la vie sur Terre, parce qu'en fait, un astronaute est pratiquement toujours sur Terre. Ben oui. Les voyages dans l'espace, il y en a quasiment pas, puis tu peux être aussi astronaute toute ta vie en restant sur Terre. Oui, il y en a qui partent jamais. Ben, t'es pas un astronaute dans ce temps-là, là, tu travailles à la NASA, mais il y en a qui partent pas, qui sont prêts pour partir, puis pour X raisons. À un moment donné, c'est ça, le moment est passé. Ne pourront pas partir parce que il vient d'avoir une navette qui a explosé, donc il y a plus de budget. Quand ils sont sur le point de partir, ils sont en quarantaine avant de partir parce que faut pas être malade dans l'espace. Tout d'un coup que t'as un petit rhume avant de partir, tu décolleras pas. Donc, c'est ça, c'est la préparation sur comment on fait pour devenir un astronaute. Ouais. Comment on fait pour avoir l'attitude que ça prend pour être un astronaute? Mm-hmm. Parce que là, les clowns qui vont dans l'espace, c'est pas des astronautes, ça, c'est des touristes de l'espace. C'est pas la ils même sont chose. Rares. Ils sont encore rares. Plus rares que les astronautes. C'est ça. Mais les astronautes, ça prend une, faut savoir travailler en équipe, faire passer le bien commun avant soi. Mais c'est une éducation complètement contre tout ce qu'on apprend normalement. Oui. Mais en même temps, t'es dans un milieu compétitif parce que tu veux que ce soit toi qui aille dans l'espace dans le prochain voyage, mais en même temps, ben faut que tu apprennes à travailler avec les autres et à apprendre des erreurs des autres. Et ils partent des fois longtemps aussi. Ça doit être quand même à être trois ou deux enfermés dans un truc comme ça, c'est quand même... Avant, les missions étaient plus courtes dans l'espace, dans une navette. Maintenant, c'est des Soyouz. Donc, le voyage se fait à trois personnes dans un tout petit espace. Mais une fois rendu sur la Station spatiale internationale, c'est vraiment très, très grand. Là. Okay. C'est plusieurs terrains de football et on peut pas croiser quelqu'un d'autre qui est là aussi pendant des mois. Okay. Mais t'es parti plus longtemps, ça a des conséquences sur le corps. Donc, bref, le livre se divise en trois sections, si on veut, qui est avant de partir... le départ et le retour ensuite sur Terre. Oui. Il y a beaucoup d'allers-retours dans la vie de Chris Hadfield. Mm-hmm. C'est uniquement son point de vue à lui. Là. C'est lui qui l'a écrit. On n'a pas le point de vue de gens autour de lui sur sa vie. C'est uniquement son point de vue. On parle un peu de sa vie personnelle, mais pas tant que ça non plus. Et on fait des allers-retours dans le passé, ses missions précédentes, la dernière mission dont on a beaucoup entendu parler. C'est quand même un... Ben, c'est un travaillant, là, Chris Hadfield. On devine là-dedans qu'il a travaillé très, très fort sur ce livre-là. C'est bien construit. Bon, il écrit correctement, là. Je veux dire, c'est pas... on lui demande pas non plus d'avoir... un discours littéraire. Oui, c'est ça. Une plume incroyable. Mais c'est beaucoup... Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, bon, les anecdotes, c'est certain, sur les voyages dans l'espace, on aime toujours ça. Mais c'est toujours une anecdote banale. Comme il explique qu'il faut toujours être prêt. Un exemple de « soyez prêt ». Il faut toujours, toujours, toujours être prêt. À Manille, il y a une sortie dans l'espace. C'est très, très compliqué d'avoir une sortie. C'est préparé longtemps d'avance. Ils ont une mission à faire, réparer, je sais pas, un machin chouette sur une navette quelconque. Et là, il sort, il se met à avoir les yeux qui piquent. Et son œil gauche pique. Et tu peux pas toucher, gratter. Tu peux pas rien faire, ça pique. Et là, il cligne des yeux, il bouge la tête, ça marche pas, ça pique. Et là, les larmes coulent, mais il y a pas de gravité. Ça coule pas. La larme a respiré dans ton œil. Et là, à un moment donné, il voit plus rien de son œil gauche. Et là, il voit plus rien de son œil gauche, ferme son œil gauche, c'est l'œil droit qui se met à piquer. Là, il devient aveugle. Il est aveugle pendant la sortie dans l'espace. Bon, qu'est-ce que je fais? Houston a un problème. Je ne vois plus. Que dois-je faire? Oh non. Bon, peut-être que c'est... Bon, il y a un problème avec le masque. On vérifie l'âge de la pression, l'âge de l'air. Peut-être que ton air est contaminé dans ton casque. On se demande qu'est-ce qui se passe. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que avant de partir pour faire une sortie, il faut nettoyer la vitre. Et il l'a pas fait. Il l'a nettoyé. C'est avec un liquide très, très fort, style savon à vaisselle. Il l'a pas assez bien essuyé. Okay. Il y a sans doute une petite goutte de savon à vaisselle qui s'est mélangée avec de la sueur, qui est tombée dans son œil, qui l'a rendu aveugle. Ah non, c'est pas alors vrai. Là, après ça, ils ont changé le produit. Et bon, maintenant, quand ça arrive à un autre astronaute, les gens à la NASA peuvent dire... Ça, c'est comme Chris Hadfield. C'est déjà arrivé à Chris Hadfield, on le sait. Donc, c'est plein d'anecdotes comme ça. Il explique. Et là, moi, je me suis dit, il faut toujours être prêt pour vraiment toutes les circonstances. Lui, il est pour la pensée négative. Il faut se préparer aux affaires négatives qui arrivent. Comme ça, on est prêt. C'est pas vrai qu'il faut toujours penser positif. Il faut être prêt à tout. Il faut s'amuser. Il faut travailler fort. Et vous allez bien réussir dans votre vie. Donc, c'est... J'ai bien aimé ça. C'est un beau plaisir de lecture. J'ai surtout préféré le début. Je dois dire, Manu, bon, ben... OK, ça... On se répète un petit on peu, on a là. Compris le concept. Ouais, si j'étais pas venu en parler ici, je l'aurais sans doute abandonné, je dois avouer. Mais quand même, c'est une lecture très intéressante, peut-être pour les jeunes aussi. Ah! Je trouve qu'il y a des belles leçons de vie là-dedans, de persévérance. Oui, c'est vrai, Guide d'un astronaute pour la vie sur Terre, de Chris Hadfield, le livre qui rend énervant. Vous allez raconter des anecdotes tout le temps à tout le monde autour de vous. Libre expression. Merci, Sandra Lalancette. Merci à toi. Québec. Ici Steve Huot, co-ambassadeur de la troisième édition de l'événement Québec Danse qui est présenté du 22 au 29 avril. 25 activités, chacune plus colorées les unes que les autres, vous sont offertes dans la région. Des sites extérieurs inusités, tout comme des lieux de diffusion traditionnels, accueilleront des artistes et des enseignants qui sauront vous insuffler le goût de partager avec eux leur passion. Profitez-en pour rentrer dans la danse en participant à une classe d'initiation dans l'un des nombreux styles proposés. Trouvez la programmation complète sur culture-québec.qc.ca. Bienvenue à tous. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Partez à la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration et du fanzine. La vie en BD, en compagnie de Raymond Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballée sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Je suis maintenant avec Gilles Chomel. Bonjour Gilles. Salut. Et avec Daniel Grenier. Bonjour Daniel. C'est la partie masculine de l'émission. Oui, oui. Ben, on arrive après Chris Hadfield. Dur à battre. Là. Vous n'avez pas de moustache. Pas, la moustache est dure à battre. Ouais. Non, c'est ça. Mais vous venez me parler d'un sujet que je connais mal. Ça, j'adore ça quand je fais de la radio et j'apprends quelque chose. Fait que là, je vous laisse aller. Mais je ne veux pas dire qu'on connaît ça bien. Non, mais plus que moi. Je regarde les piles de livres autour Nous de moi. Deux aficionados de la... Ben, c'est ça, ça fait on que... On parle de littérature amérindienne. Déjà, en partant, c'est pas simple, parce que... Ouais, mais, ou autochtone, mais... Il y a autant de littérature, en principe, qu'il y aurait de nations. Il pourrait y avoir une littérature innu, une littérature... Est-ce qu'il y a des maisons d'édition? La seule que je connais, cette maison d'édition, c'est, puis encore là, c'est la Société touristique des Autochtones qui a déjà publié un guide touristique et qui vient de le refaire, mais c'est les seuls qui publient. OK. Ça fait qu'il n'y a pas de maison d'édition. Bon, on sait que Mémoire d'Encrier a publié quelques titres. Oui, mais c'est pas Boréal en a publié. C'est ça. Ça fait que, en plus, il faut qu'ils aillent vers des maisons. Ben, c'est un des problèmes déjà là à aborder dès le départ. Hein? C'est-à-dire que la littérature, ce qu'on appelle la littérature autochtone, la littérature amérindienne, c'est nécessairement une littérature qui est conflictuelle dans son identité, dans sa raison d'être. Pour toutes sortes de raisons, c'est que comme c'est des civilisations de tradition orale, déjà de parler de littérature, il faut nécessairement qu'il ait subi une influence Et dans quelle langue qu'on écrit? Occidentale. Voilà. Est-ce que la littérature est simplement la littérature écrite à partir du moment où, en plus, comme tu disais, Barbel, on adopte la langue de l'oppresseur, tu sais? À partir du moment où je commence à écrire en français ou en anglais, là, tout à coup, on arrive avec des concepts, on parlait de ça toi et moi, mais... Gilles, on arrive avec des concepts comme la renaissance de la littérature autochtone aux États-Unis, par exemple, ça. Un concept qui est né dans les années 80 et qui décrivait effectivement les premiers, si on veut, les premiers romans qui sont tombés dans le mainstream et qui dont La Maison de l'Aube de N. Scott Momaday, publié en 69, qui gagne le Pulitzer. Mm-hmm. Donc là, on arrive tout à coup dans un côté mainstream. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que la littérature amérindienne commence? Ça n'a aucun sens de dire ça, mais en même temps... Puis en même temps, ben, on ne le sait pas trop, parce que comme c'est comme c'est de tradition orale, la transmission du savoir, quand on arrive avec de l'écrit, c'est nécessairement parce qu'il a été influencé par... Par l'oppresseur. Ça se peut qu'il soit écrit dans une ou l'autre des langues autochtones, mais règle générale, le plus drôle, c'est que, pour ce que j'ai connu, c'est que chez les Innus, par exemple, c'est écrit en français, il traduit en langue Innu. C'est pas écrit directement... Ben parce que le français et l'anglais, c'est des langues. Mais pour la comment ça serait juste pour la structure des récits, il faut que ça soit fait dans une langue oui. qui s'écrit. Ben oui, voilà. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est l'autre point qu'on aborde aujourd'hui, j'imagine. C'est-à-dire que les livres qu'on t'a amenés, ce sont tous, je pense, sans exception, des livres qui s'inscrivent à la fois dans une tradition autochtone, c'est-à-dire une espèce de revendication très mm-hmm. forte, hein, des valeurs traditionnelles, oui, oui. tout en s'inscrivant de façon très très forte dans une littérature occidentale. Par la forme romanesque, oui. Ou la poésie. Ouais. C'est ça. Donc, moi, le roman dont j'avais envie de parler aujourd'hui, il s'inscrit exactement dans ça. C'est-à-dire que les thèmes sont amérindiens. Un écrivain comme Joseph Boyden, dont je voulais aborder l'œuvre, les thèmes sont amérindiens, mais la forme romanesque est très, très occidentale. Même si parfois on peut dire, par exemple, le temps du récit, c'est un retour aux formes amérindiennes, une espèce de présent continuel où le passé, mmh. le futur se mélangent. Mais en même temps, c'est vrai, mais d'un autre côté, ce sont des trucs qui ont été utilisés par la modernité dans le roman, tu sais, depuis des dizaines d'années. On a, dans la liste des prix des libraires, il y avait Jaume Cabré, le livre dont on a parlé, qui mmh. se passait... le livre de Louise Erdrich, qui est une Amérindienne, qui est conçu de la même façon, qui ramène dans le passé. Avant d'en continuer à parler, on va passer, je pense, au livre de Daniel, puis après ça, on passera au livre de Louise Erdrich, puis après ça, on passera au livre de oui, la littérature de chez nous. Oui, parce que vous n'avez pas... on a de la job, là, devant nous, là. C'est juste pour faire peur au monde, un petit peu. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait beaucoup d'auteurs masculins, nord-américains, amérindiens, généralement. Et au Québec, c'est beaucoup des femmes. Oui. C'est Naomi Fontaine, c'est Virginia Bordelot, c'est Mitiarjouk Napahaluk chez les Inuits. Oui. Joséphine Bacon. Oui, effectivement. Natacha Canapé-Fontaine, qui fait des... Mm-hmm. Ben voilà. Ouais. Plus que. Il y a Yves Sioui Durand qui fait dans le théâtre, mm-hmm. là. Mais règle générale, en tout cas, dans la littérature contemporaine actuelle, c'est plus des femmes étonnamment. Ben, c'est pas étonnamment, mais c'est comme ça. C'est un constat. C'est quelque chose qu'on constate. Je pense que les filles vont à l'école plus longtemps que les garçons. Oui, ça se pourrait. Oui, il y a peut-être ça. Il parle plus. Il y a peut-être ça aussi. En général, donc la littérature amérindienne, c'est ce qu'on définit par littérature amérindienne ou autochtone, c'est parce qu'on considère que l'auteur en est un. Mm-hmm. Dans notre façon de voir les choses, parce qu'il y en a d'autres ici. On parlait de littérature amérindienne, puis on va citer Rémi Savard ou... Il y a Jean Désy, qu'on a ici, avec Issuma. Comment il s'appelle, qui est si connu, là, Bouchard, Serge Bouchard. Oui, Serge Bouchard. Okay. Qui en a fait quand même beaucoup pour les Premières Nations. Qui a ramené Mathieu Mostokocho, mm-hmm. les pensées ou le savoir de Mathieu Mostokocho, mm-hmm. qui est un chaman de Ouachat-Maliou, un personnage extraordinaire mm-hmm. qui ne s'est confié que par la parole. Mais c'est comme, il y a eu un littérateur occidental pour traduire sa pensée puis faire connaître sa façon de habiter le territoire puis la civilisation qui est bâtie, la civilisation orale qui est bâtie autour de ça. Mais c'est pas là, on pourrait commencer avec Joseph. Oui, bien sûr. Moi j'ai apporté en fait le premier roman de Joseph Boyden en anglais qui s'appelle Three Day Road, mm-hmm. que j'ai lu en anglais mais qui existe en français, qui est disponible. Ça s'appelle le Chemin des âmes. Donc évidemment les francophones aiment beaucoup traduire avec des titres plus profonds. S'ils font pas un autre titre ouais, exactement, anglais. Un autre titre en anglais. Ouais. Son deuxième roman de Boyden, c'était Through Black Spruce, qu'on traduirait par À travers l'épinette noire. Cher à Serge Bouchard. Et ils ont traduit ça par Les Saisons de la Solitude. Donc ils aiment beaucoup rajouter une sorte de profondeur comme ça dans les titres. C'est encore beau qu'ils n'aient pas voulu traduire ça par dans Les Saisons de l'Ipicéa, là, tu sais. Il y en a un troisième aussi qui s'appelle The Orenda qui vient de sortir l'année dernière. Il n'est pas traduit encore, mm-hmm. mais sachez que c'est quand même le Giller Prize, les Saisons de la Solitude. Le deuxième, mm-hmm. il a gagné le Giller Prize en 2008 ou 2009, je crois. Le chemin des âmes, Three Day Road, mm-hmm. c'est un roman qui paraît en 2005. C'est son premier roman. Joseph Boyden, c'est un écrivain qui est né en 66. Donc, Il est très jeune, c'est-à-dire qu'il apparaît dans ce que j'appellerais la troisième vague, là, tu sais, de cette espèce de renaissance. Comme Louis Erdrich ou Sherman Alexis. Il fait partie de quelle nation? Il est métis, okay. d'origine à la fois écossaise, irlandaise et cri, ojibwe. Okay. Mais ces personnages sont habituellement, en tout cas du moins dans ce roman-là, mm-hmm. ce ne sont pas des sans-mêlés ni des métis. Mm-hmm. Ce sont des cris du nord de l'Ontario. Okay. Et ça raconte une histoire absolument enlevante, en fait, de deux jeunes hommes qui, élevés avec la tante d'un des deux jeunes, mm-hmm. Vivent à la manière traditionnelle. Cette femme-là s'est retirée, a toujours refusé de s'en aller sur les réserves, et ils vivent sur le territoire de la chasse, de la pêche, avec les récits traditionnels et mm-hmm. tout qui se passe. Et ces deux jeunes hommes-là décident en 14 de s'engager pour l'armée canadienne et de partir faire la guerre au front en Europe. Et là-bas, ils découvrent évidemment l'horreur absolue. Ils restent pendant 4 ans. Un des deux va survivre. Et en fait, le roman, ça se passe sur les 3 journées où, en revenant de la guerre, il se fait ramener en canot par cette tante vers l'endroit où il reste. Bon, c'est à 3 jours de canot. Et les souvenirs à ce moment-là vont commencer d'un côté et de l'autre. Lui va lui raconter, il est en train de mourir, il a perdu la jambe, il est accro à la morphine. Il va raconter ses souvenirs de guerre. Et elle va lui raconter, pendant ce temps-là, ses souvenirs d'enfance à elle, sa vie sur le territoire. Et en même temps, ses souvenirs d'enfance à lui pour le faire revenir un peu avant le... T'as fait que tout de suite ta confrontation de ces deux mondes-là. Oui, tout à fait. On a confrontation du monde amérindien et du monde occidental dans de plusieurs façons différentes, c'est-à-dire avec cette femme-là et aussi avec les deux jeunes hommes, qui réagissent de façon tout à fait différente à la guerre et à la violence. Mm-hmm. On pourra revenir tout à l'heure sur ces questions-là. Il reste que c'est un roman qui est extrêmement solide et extrêmement puissant dans le sens où justement il réussit à nous raconter une histoire à l'occidental, ouais. mais en même temps avec en allant aborder ces thèmes-là en mélangeant le passé, le présent, le futur mmh. comme ça, puis on rentre vraiment vraiment très bien dans cet univers-là qui est vraiment vraiment pas le nôtre. Mais tout ça avec la violence des snipers, la violence des tireurs d'élite dans les tranchées. Et donc, on est à la fois toujours dans une espèce de reconnaissance puis une distanciation par rapport au sujet. Donc, fascinant. Fascinant et surtout très, très, très bien écrit. Là. C'est captivant. Ça, c'est... Mentalement, j'ai déjà mis ça sur une pile de livres. On peut dire la même chose de Louise Erdrich, qui, elle vient de Little Falls, qui est une petite communauté amérindienne mm-hmm. Au nord mm-hmm. du Minnesota, et qui a eu évidemment beaucoup de rapports avec les Indiens. Il n'y a pas de frontière hein, pour les mm-hmm. Amérindiens, donc ils vont au sud ou au nord du Canada. Mm-hmm. Et donc, le livre se passe dans cette petite réserve amérindienne-là. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui est le fils d'un juriste et d'une femme qui travaille sur la reconnaissance des droits des individus. Qui mm-hmm. est indien, qui n'est pas indien dans la réserve. Elle a fait des recherches pour mm-hmm. ça. Elle est violée. Et c'est l'histoire de l'apprentissage de la justice sur une réserve indienne par le petit garçon de 13 ans qui passe par toutes tous les états physiques, émotionnels possibles, mais aussi parce que son père est un juriste, parce que son père est un juge, mm-hmm. et puis qu'il a le fameux code de Cohen qui réunit toute la jurisprudence, toutes les lois qui gèrent les Amérindiens. En même temps, on monte un peu, remonté à Thomas King, tu sais, avec notre Indien Malcolm qui en faisait la nomenclature. Bon, on les retrouve, ça. Et puis, le père, il dit au fils, il dit, tu seras juriste si tu ne finis pas en prison. Et puis là, dans le roman, tu le sais pas si le petit va finir en prison, parce que ce qu'il veut, lui, c'est tuer le violeur de sa mère. Et puis là, pourquoi c'est compliqué? C'est parce que sur une réserve, puis comme le territoire de réserve, il est beaucoup entamé par des enclaves blanches, dépendamment où le viol a eu lieu, tu peux ou tu ne peux pas accuser le violeur. OK. Comprends-tu? Et puis même, ça, il y a une loi qui a été passée qui dit, je pense en 53, qui dit que tu ne peux pas revenir sur un crime qui a été commis sur une réserve qui implique un non-amérindien ou un non-autochtone. C'est absolument aberrant. Ça fait que ça donne carte blanche là pour faire n'importe quoi. C'est à peu près ça. Et alors, dans ce livre-là, il y a cette histoire de viol-là qui est racontée. Il y a le quotidien des relations entre les gens qui est souvent mêlé entre la tradition et le savoir du passé et le modernisme également, parce que le petit gars, son fun, c'est de jouer à des jeux électroniques, puis dans sa tête, il y a toujours Darth Vader à quelque part, puis bon. Mais en même temps, il va aller... puis il y a le curé aussi. C'est ça joue quand, ça, ce roman-là? C'est contemporain. Ça joue pas dans le temps, là. Tellement contemporain que la première fois, on a dit... 1988, des petits arbres avaient attaqué les fondations de notre maison. Puis là, il raconte comment est-ce qu'il est obligé d'enlever toutes les... Parce que, finalement, ce qu'il décrit là-dedans, en commençant le livre, c'est un peu la détérioration physique des lieux, de la comme c'est le cas de la plupart des réserves, parce qu'il n'y a jamais d'argent pour loger tout le monde, pour, etc., etc. Mais c'est pas... Ça n'a rien de misérabiliste comme bien d'autres romans que j'ai pu lire, même d'auteurs autochtones, sur les conditions de vie misérables. Oui, on le sait, on s'en rend compte, il y a des phrases qui nous l'expliquent, puis qui nous... Mais ça fait partie du quotidien des choses, on s'arrête pas là-dessus. Et est-ce que on va trouver le coupable? Je vous le dis pas, parce que... Ah, et puis pour qu'on le lise? Non, pour le lire. Ça s'appelle Dans le silence du vent. C'est une écriture remarquable. Et puis même traduit par des Français, c'est pas si mal. Même si, au lieu de dire une tente de sudation pour les espèces de sweat lodge en bon français, là, eux autres, ils appellent ça une loge de sudation. Mais bon. Ça, cute, hein, des fois. Au lieu de nous demander, chez Albin Michel, je pense... C'est Albin Michel. Ouais. De toute manière, on va tout mettre ça sur la page Facebook. De Louise Erdrich. Ce livre-là a remporté la plus prestigieuse distinction littéraire américaine, semble-t-il, qui est le National Book Award l'an dernier. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et toi, t'as d'autres livres. Bon, un livre qui a l'air bien lu. Oui, plusieurs fois. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale et on revient avec ça, parce que ça s'appelle Indian Blues. Indian Blues. Il me semble que c'est le temps d'un blues. Ça. Ben, ça rejoint tout ça. Bon, là, on s'est mis ça dans les oreilles du Florent Vallant. Et tu nous arrives avec un auteur que je ne connais pas du tout, Sherman Alexie. À mon sens, là, je ne les connais pas tous, évidemment, parce que je n'ai pas lu ce qui s'est écrit en littérature amérindienne, loin de là. Mais c'est l'auteur qui m'a le plus fasciné. Quand j'ai lu en juillet 2000, un livre qui a été écrit en 1997 qui s'appelle Indian Blues, j'ai lu le titre. C'est Le célèbre bluesman Robert Johnson, assassiné en 1938, réapparaît pour les besoins 50 ans plus tard dans la fiction. Il laisse sa guitare à l'entrée de Wilpinit, qui est la réserve indienne, à un crossroads. Mm-hmm. Crossroads, c'est là où il a vendu son âme au diable dans son blues en 1938, écrit en 1938. Puis là, il y a un jeune Amérindien qui recueille cet instrument-là, puis qui amène Robert Johnson voir la grand-mère qui, elle, c'est la grand-mère des Spokane, puis elle vit sur la montagne, puis c'est un personnage qui n'a pas d'âge. Et fait que Robert Johnson va la trouver parce que c'est la seule façon de se sauver de sa guitare et de l'envoûtement du diable. Mais là, c'est les jeunes qui vont ramasser cette guitare-là. Et puis, ils vont essayer de la détruire, mais elle se reconstruit. Et puis, elle leur explique c'est quoi le blues. Et là, les jeunes, ils font un groupe. Ils connaissent du succès. Ils vont en dehors de la réserve. Puis, quand ils reviennent, ben, tout le monde les haït parce qu'ils ont laissé la réserve, ils ont dénaturé. Mais en même temps, c'est fascinant parce que tu as tout le béaba de la vie sur une réserve indienne racontée par un Amérindien. Un blanc a écrit ça, il serait fait traiter de raciste, là, puis mais parce que c'est Sherman Alexis, puis parce que c'est traité avec un sarcasme et un humour absolument décapant, ça passe drôlement bien. Sherman Alexis a écrit. Est-ce que ça passe aussi dans les communautés? Ou on n'a pas vraiment idée? Je ne sais pas. Je sais pas parce que nous, on peut trouver ça bien, mais est-ce que c'est reçu comme ça chez en fait, eux? Il faudra se demander si, en général, la littérature amérindienne ou la littérature inuit, ça passe dans les communautés. Est-ce que beaucoup de lecteurs, à qui ça s'adresse, finalement? Est-ce que c'est pour nous? Je pense qu'encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, tout ce que tu dis, Gilles, depuis tout à l'heure, ça me fait penser à quel point on tourne toujours autour de la notion de dynamique, de conflit, entre une tradition et une modernité, si on veut. En fait, ce que ça raconte de la littérature autochtone, c'est la dépossession de son âme, avec tout ce que ça implique, puis du territoire qui va avec, puis de la langue qui va avec. Je pense que s'il y en a c'est une... C'est le moment, j'ai eu le mandat de lire quelque chose. Okay, alors, il y a au Québec une littérature jeune amérindienne et inuite qui s'est créée. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu Kalunat par une Inuk dont je ne me souviens plus du nom. Il y a Sanaak, qui est un récit de vie écrit par Mitiarjuk Napahaluk, qui vient de Kansas-Yuliwak. Ça, c'est écrit dans les années 80. Et chez les Amérindiens, c'est encore une fois, que j'ai pu voir, là. On a Naomi Fontaine, qui a une vingtaine d'années, qui enseigne maintenant à Washat, qui écrit des récits sur son village ou sur sa nature d'Amérindien. Et il y a Virginia Pessimapeo-Bordelot qui, elle, est à la fois Crie, Algonquine et métisse blanche. Et qui est en art visuel, qui écrit de la poésie, qui écrit des romans. Oui, qui est une installatrice. En fait, c'est une... Parce qu'elle, je dis en art visuel parce que c'est pas juste la peinture. Elle fait aussi des installations. C'est ça. Oui, elle l'a fait à Versailles, entre autres. Oui, c'est ça. Et vraiment, à chaque fois... Et puis, c'est quelqu'un qui... Parce qu'elle est allée à l'école des Blancs forcés. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Indiens écrivent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont été forcés d'aller dans les écoles de Blancs. Au moins, ils en profitent pour nous en apprendre. Certains en profitent. Certains, oui, et ils font bien. Et Virginia écrit remarquablement bien. Oui. Je vais lire un poème d'elle qui a été publié dans le recueil de Rouge et de Blanc chez Mémoire d'Encrier. Mais qui date de 1979. Ce recueil, ce poème-là, je pense. Je suis le choc de deux cultures, la blanche de béton et de fer, la rouge de plumes de fourrure et de cuir tanné à l'odeur âcre du bois qui fume. Je suis d'une race dépossédée et d'une race à la recherche d'un pays. Je suis d'un homme coureur des bois que les Indiens nommaient Abitibi, à la parole haute et claire. Je suis d'une femme que l'on appela sauvagesse, à unique langage et au silence lourd face à son identité perdue. Tout est dit, hein? Ça, c'est juste le début du poème. Ça résume tout à fait ce qu'on vient de dire. Moi, quand je lisais le chemin des âmes, je me posais la question toujours, c'est une des questions principales du récit, pourquoi... pourquoi diantre deux jeunes Amérindiens voudraient s'engager dans l'armée? Parce que ça devient une espèce de leitmotiv dans le roman. On se demande, est-ce qu'il va l'expliquer finalement? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont, est-ce que c'est pas la conscription? Ils sont pas obligés? Et on finit par comprendre en filigrane qu'il y en a un des deux, bon, qui est beaucoup plus téméraire que l'autre. Il veut avoir de l'action dans sa vie, et c'est très intéressant d'ailleurs parce que le celui-là a été élevé beaucoup plus longtemps dans les écoles de blancs, et il est beaucoup mieux reçu par la communauté dans les tranchées des autres soldats parce qu'il parle très bien anglais. Et tout ça pour dire que on finit par comprendre qu'il y en a qui est plus téméraire que les autres, que l'autre, comme je disais. Et un moment donné, il y a une belle rencontre avec un soldat. Un soldat crie aussi, qui leur explique, bon, il y en a beaucoup plus que vous pensez. Et il résume ça en disant, on voulait tous redevenir des guerriers. Oui, ah, c'est oui, ça. Il y a quand j'ai lu ce passager, j'ai fait comme... Ça donne des frissons, oh, ouais, tu ouais, le ouais, dis, j'ai des frissons. Extrêmement ouais. puissant comme les moment. Les musiciens là-dedans... Dans Sherman Alexis, ouais. ils veulent redevenir des guerriers. Les juristes là-dedans, ils luttent par la loi pour ouais. dans Louise Erdrich, ils luttent par la loi pour essayer de reconquérir un peu de leur. Mais c'est toujours de cet esprit-là de ouais. de vouloir redevenir des guerriers, puis finalement d'affirmer leur autonomie, ouais. leur liberté ouais. dans le fond. C'est exact. Et sauf que les blancs ont fait des sales guerres. Oui, on fait pas des guerres libératrices. C'est ça l'affaire. Toi, tu avais un petit extrait à lire. Pas long. Et Quiziban de Naomi Fontaine, oui. c'est une chronique de Washat Malio-Tenam. Mm-hmm. C'est une jeune fille qui a 23 ou 24 ans, mm-hmm. qui enseigne maintenant à Malio, mais qui vivait ici à une amie de Jean Desi, qui vivait ici à Limoilou il y a quelques années à peine. Juste une phrase, OK? Oui, oui, oui. J'aimerais que vous la connaissiez, la fille au ventre rond, celle qui élèvera seule ses enfants, qui criera après son copain qui l'aura trompé, qui pleurera seul dans son salon, qui changera les couches toute sa vie, qui cherchera à travailler à l'âge de 30 ans, qui finira son secondaire à 35, qui commencera à vivre trop tard et mourra trop tôt, complètement épuisée, insatisfaite. Bien sûr que j'ai menti, que j'ai mis un voile blanc sur ce qui est sale. OK? Ben, c'est ça. mais c'est bien que ça s'exprime, hein. C'est même très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, mais c'est parce que c'est drôlement bien écrit pour une petite fille de 21 ans. J'espère qu'elle va continuer à le faire. Elle a un blog qui s'appelle In New Time, qu'on peut trouver sur sa page... Tu mets ça sur la page Facebook? En fait, elle n'a plus de page Facebook. On va publier le livre, on va mettre la page couverture, tu publieras le blog à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il se fait une littérature amérindienne ou inuite québécoise, là, puis qu'elle est assez fascinante à suivre. Oui, et je pense qu'on ne les lâcherait pas, là. Il y a encore plein de choses à lire, parce que là, on vous a donné juste... On vous a juste donné un petit aperçu. On va faire une petite pause et on va revenir pour un petit dernier tour de table. Echo mambo, the bombing wind, jiwap mko, the puku shende. Nous sommes de retour déjà pour le dernier tour, les bouquins d'abord, Barbe Rank au microphone. Dans les actualités, il y a plein de choses qui se passent tout le temps, mais il y a une chose qui me tient à cœur, les promenades littéraires ici dans la ville de Québec avec Marie-Ève Sévigny sont de retour. Exactement. Ça commence samedi prochain et au mois de mai, du 3 au 31 mai, il y a deux tours à faire. Les samedis à 10h30, c'est Mon calme souvenir d'hier et aujourd'hui, où on fait le tour avec Marie-Ève qui va s'arrêter à plusieurs places pour présenter 8 écrivains qui racontent le quartier Mon calme, qui Boivin, Esther Croft, Christine Eddy, Hans-Jürgen Greif, Jean Lemieux, Gilles Pellerin, André Ricard et Julie Stanton. Et les dimanches, ça commence ce dimanche le 4 à 10h30 aussi, c'est les romans fleuves, les sagas de Québec. Hein? Mm-hmm. Ça, c'est quand même un peu plus grand public. Elle va se promener sur les traces de Suzanne Aubry, de Jean-Pierre Charland, de Marie Laberge, de Micheline Lachance et d'Anne-Marie Sicotte. Tout ça, ça coûte juste 15 $ et pour étudiants 10. C'est sur réservation. Il faut appeler. Oui, mais quand on aime marcher. 418-641-6798. Ça aussi, je vais le mettre sur la page Facebook. Et sinon, vous trouvez tout ça sur le calendrier en détail aussi. www.promenade-écrivain.qc.ca. Il y aura d'autres tours au cours de l'été. De toute manière, Marie-Ève va venir nous rencontrer pour nous en parler plus longuement le 26 mai. Merci à Marie-Ève Sévigny, justement, à Sandra Lalancette, Daniel Grenier, Gilles Chomel, Gerrit Dagger à la mise en onde. C'est déjà tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est un spécial philo et ça va être la philo pop. Oh boy! Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission était une présentation de Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Hacking de vélo, comédie musicale russe, show de boucan, épidémie de rire, marché du zombie, le steak de Falardeau. Voyez ces activités et bien d'autres